Ça y est. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il en a plus. Voilà, il en a plus. Il en a plus. Vous voulez y aller? C'est pas fait. Ça y est, اليوم ايش قلنا اليوم يبين قف تعميله ذكر كنا le 6 لا c'est le 4 seulement اشيل الاسماء التالية باسم اشارات من قريب انا على طول لفت ال 4 طيب اخي 76. Comme il n'a pas le même nom que nous, lui. Mais son livre, il est rempli de solutions. Toi, c'est au combien, toi ? Il a toutes les réponses, lui. D'accord, monsieur, c'est pour ça, il y a tout le monde. Il a toutes les réponses, lui. Ah, il n'y a rien de. Il vient de le dire, le monsieur. Ah, ça, il y a toutes les réponses. Moi, le mec, il est plus compliqué. Il y a des trucs que je vois, je sais pas, je me dis ça. Parce que ça en français, expliquer l'arabe en français à leur manière à eux, ça te casse la tête. Non, non, c'est pas ça. Il y a des trucs que, par exemple, on est dans le bas. Lui me le mettre là, et moi je vois, par exemple, si là tout le monde saoule, ça on l'a pas encore fait. Là, on l'a pas encore fait. Tu vois. Non mais il donne des fawaïd en plus, tu vois, pour le mouchtahid qui veut comprendre, sinon ça, ouais, on l'a pas encore fait. Ouais, ouais, après, c'est la phrase qui va après, il se saoule. Voilà. Moi je vous ai dit, on le fera après ça. Ça y est. T'as plein de trucs comme ça, et moi, ça donc là, devant les mots, faut mettre le ismi shara qui correspond. Le combien tu m'as dit non. Akhi, ashtakoun Mohamed. Hada. Hada, akhi. Ukhti. Hadi. Non, Rigel. Tu regardes, il y a trois trucs. T'as soit ça, toi ça. Soit Hada, soit Hadihi, ou Haoulaï. Non. Mudarrisuna. Haoulaï. Non. Talibat. Haoulaï. Non. De quoi ? Il y a un féminin, non ? Non, c'est Haoulaï. Là, Haoulaï, il est mixte. Haoulaï, il est pour Hadihi. Il est mixte. Ah ouais, les mixtes. Pas pour et là, pour Bab al-Muraja, il y a des connards parce que t'as pas, t'étais pas là au def. Talibat, c'est un djem ou un S, Salim. C'est là que tu rajoutes un alif et un T à la fin. Voyez. Et souvent, il vient d'un singulier avec un T barbouda. Souvent, c'est le pluriel d'un mot qui a un T barbouda qui est féminin. Par exemple, Talibat, tu dis Talibat. Mais c'est pas obligatoire, t'as des mots qui n'ont pas de T barbouda. Et qui ne sont pas féminins, par exemple Hammam, tu dis comment Hammam. Hammamat. C'est un masculin, il n'a pas tellement de temps. C'est pour ça que cette règle n'est pas cadéorique, mais dans l'origine. Donc Hammam, c'est quoi le délire? Hammam, c'est un mot masculin, il n'a pas tellement de temps, et pourtant, son djem, c'est un djem ou un S-Salim. Ah. Qui prouve que cette règle n'est pas catégorique pour le féminin, dans le singulier, et un tellement de temps. Là. Ça y est. Oumi. نعم أبي هذا طالبات هذه نعم طبيبات هؤلاء طبيب masculin là c'est طبيبات c'est féminin نعم il y a un masculin dans le texte dans le salim et un autre et son féminin il soit dans le accès. Ah ouais, parce que le musulman. Ah. Comment tu dis le djem de musulman? Musulmoun. Et le djem de muslima? Muslimatun. C'est ça que tu voulais dire, c'est ça? Ah non, d'accord. Bah c'est quoi? C'est... Ça c'est tout dans le mufra, tu vois la différence. T'en mets la telle ou l'autre il a pas. Nam. Tujjar. C'est quoi le farc entre musulmoun et musulmine? Ça va venir plus tard, Inch'Allah. Tujjar. Tujjar. C'est le djem de Tajir. Si. Le djem de Tajir. Tajir. Commerçant. Commerçant. Ah oui. Nam. Et avec le 4, c'est ça? Avec le 4. Ça y est, Matroul, puis. Ça, on l'a fait le Hua Hunna. Aïna. Quand il fallait faire Hua Hia Hum Hunna. Il est où? Il est comme ça. L'arbre, Abdelkader, je vois. L'arbre, le Hama, qui nous parlait, qui nous parlait, qui nous parlait, qui nous parlait, qui nous parlait, qui nous parlait. Ah, on l'a fait celui-là, ensemble. Auchon s'était arrêté? On l'a pas fait entier. Ah ouais, on l'a pas fait entier. On l'a pas fait entier, je crois. Ouais, bah. Bon, vas-y, on va recommencer comme ça, ça va faire une morajah. طيب donc là il dit donc il a ماكن الخاليات من الجمل الاتيه ضميرا منصبا هو هي هم وهن là vous mettez le domir en vue qu'il soit un mubtada dans le trou. طيب ماذا الرجل مدرسنا هو مدرسنا هو مدرسنا انها là c'est un domir mutasil qui revient à نحن. طيب اين الطالبات un bec à deux casiers. C'est quoi le damir qu'il faut mettre? Vous n'y a-t-il pas? Non. Man haoulai fatiatu, fitiatu. Qui sont ces jeunes garçons? Hum abenad. Non. Hum abenad mudarrisi. Abenad oud mudarrisi. Non. Et n'a talibat oul jadida. Hum, fin maktaba. Je dis à celui-là. Non. Où est la nouvelle étudiante? Elle est dans la librairie ou la bibliothèque. Man haoula an-nas ou Djadj ibn al-Hind. Hum hujjajun. Hujjajun. Hum hujjajun. Je comprends pas pourquoi tu veux parler, par exemple. Non. Des fois c'est fini en ou et après c'est. Bah ben voilà, parce oul. Qu'on va trop vite. On va trop vite. Voilà. Non, j'ai juste vu. De quoi? On dit Tudja, on dit Tajir. Aïe, quoi? Tajirun. Non. Et on dit Tudjaru. Ah, Tudjarun. Non, c'est Tudjaru, lui, c'est ça qu'il voulait dire. Il a dit, on dit Tajirun et Tudjaru, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. C'est les Malifa. Voilà. Avec les polèmes, il n'y a pas de Tanouin. Et s'il n'y a pas de polèmes, Tanouin. On dit Tullabun. Ah oui, Tullabun. Tullabun. Et si tu mets Alif Alab, c'est Ma'arifa ou Nakira. Ah, d'accord. Et là, il est comme Khudjajun. Le Ma'arifa ou Nakira. Non, c'est pas qu'on va trop vite. C'est qu'il n'y a pas assez de mouage à des salamis. Voilà. Eh ben justement, parce que... C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, pour moi. Si, c'est ça, c'est ça. Non, on révise pourtant. Non, c'est ça, c'est ça. Toujours on révise, mais moi, je pense qu'on va un peu trop vite. Non, moi, non, non, on est bien. Moi, bien. En arabe, salif, on est bien. Tu vas arrêter, on est bien. Moi je sais pas, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de manger à fil bait et il n'y a pas assez d'exercices à la maison. Si. Non, je te dis, si je te donnais 5-6 exercices par jour, je vais écrire comme le kitab, il faut que tu le fasses, ça resterait plus avec toi. Alors, pourquoi tu ne sais pas? Hein? C'est ça, c'est dans les cas à des je ne peux pas la faire, sinon on prendrait pas le temps. On prendrait pas le temps pour faire le livre. Moi je préfère. Corriger, pour vérifier ce que vous avez révisé, vous êtes des grands garçons. Ouais. Elle a jamais s'habillé, il faut comme ça. Moi je préfère qu'on met au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois à le finir. Au moins celui-là, dès qu'on l'aura fini, il est là, il est comme non, ça. Non, ce que tu n'as pas compris, il faut que tu comprennes, c'est que dans les livres qui viennent, tout ça revient à chaque fois. Quel livre? Ah, d'accord. Dans tout le livre à suivre, ils remettent des choses qui sont dans ce livre-là, et ça revient à chaque fois. Tous les livres qui sont. Quand tu vas évoluer dans les livres, dans le Nahu, ils te remettent toujours des bases prises dans le livre précédent. Tu vois? Toujours. Ouais. Et les livres précédents, c'est pas des trucs nouveaux et tout ce qui est arrivé avant, c'est délaissé. Non, ils reviennent aussi avec ce qui est avant. Mm-hmm. Et chez lui, c'est pas qu'on va trouver, c'est qu'il n'y a pas assez de trucs à la maison, c'est tout. Plus, alors. Tu vois? Non, ouais, c'est ça que j'ai dit. Il faut nous en donner plus. Parce que. Franchement, c'est. En plus, le livre, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Tu te souviens du Badal? Tu te souviens du Nar? Donne-moi un exemple de Badal. Ouais, elle est contente. Le Badal, c'est Rajoul. C'est Badal? T'en es sûr? Oui, je suis sûr. T'en es certain? Mais pourquoi c'est le Badal? Ouais, mais tu me demandes un badal, c'est ça le badal, je te donne un exemple. Mais non, pourquoi c'est le badal? Parce qu'il est placé non, là. En fait, comme tu vois que tu as répondu, il n'est pas satisfait, il veut que tu arrives à répondre en fait. Non, mais sache une chose, à Mohamed, quand tu fais un livre, il n'y a pas un bout d'un livre qui va dire que je connais ce livre à 100%. Ouais, c'est vrai. Si tu as compris déjà 70% du livre, voilà, c'est une bonne chose. Et là, il a répondu au badal. Ouais. Moi, si tu veux, moi, je mets les définitions tout. Je ne sais pas prendre les définitions par terre. C'est ça qu'on devrait faire. Je faisais ça au début avec. Non, justement, moi, je faisais ça au début avec les frères. Et ça, c'est un truc qui fait fuir justement. Le frère, il ne va pas parler, tu lui apprends une définition par cœur, il ne sait même pas ce qu'il apprend. C'est ma peur. Il ne sait même pas ce qu'il apprend, le frère. Moi, je te veux définir une Ishara, je te la mets demain, si tu veux, tu la prends par cœur, et tu vas apprendre une définition, mais comme ça, comme on va dire comme un perroquet, tu vas répéter, non, tu ne sauras peut-être pas parler. Parce que regarde, là, il sait c'est quoi le badal, il va donner un exemple tout de suite. Hein? Il sait c'est quoi le badal. Oui, il sait. Voilà. Ah ouais, voilà. C'est ça le but, c'est qu'il sache. Il lui manque juste la définition à moi. Mais la définition, on l'a pas encore apprise. Ça viendra après. Même eux, vous ne le donnez pas dans le livre, la définition. Tu vois? Définition, elle vient après. Donc moi, je te dis, c'est pas, on va trop vite. C'est juste que, normalement, en langage, on fait beaucoup de trucs à la maison. Beaucoup d'écrits. Tu vois? Quelqu'un, par exemple, il voit le texte, il écrit 10 fois. Ça fait écrire, ça lui fait pour le vocabulaire. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Tout le reste, c'est quoi? C'est du travail personnel à la maison. Ah, c'est pas question le texte. Mais le texte en lui-même. Parce que quand tu apprends la définition, obligé d'apprendre le mana avec. De quoi? La définition, pas son. Ouais, mais tu vas prendre plein de mots qui t'en vont jamais, en fait. C'est des mots qui sont propres à la terminologie arabe. Ouais. C'est pas des mots genre dans tous les jours que les gens prononcent. Non, mais définition, ça c'est connu. C'est comment en conjugaison, tu apprends des trucs, tu verras que ça dans la conjugaison. Mais quand tu vas en parler, tu le verras jamais. À la conjugaison, tu vas trouver presque tout, hein, pour parler. Non, mais quand je te parle. Dans les hadiths, tu vas le trouver. Alors ces trucs-là, c'est des choses que tu vas pas entendre tous les jours chez les gens. Et ça aura du mal à rester. Tu vois? Et tu normalement, toi au début. Tu vois? Ça, c'est une définition. Et toi au début, quand tu commences à en garder, ce qu'il faut, c'est surtout que tu arrives à comprendre ce qu'on te dit et à pouvoir t'exprimer. Tu vois? C'est ça le plus important. Tu comprends? Et tu arrives à décortiquer la phrase, tu as trouvé chaque élément de la phrase. Voilà, tu vois. Et tu sais ce qu'elle veut dire. Eh ben, on arrive à faire là. Ouais, mais on arrive à le faire là. Quand on l'appelle, j'ai vous arrivez à répondre. Voilà, mais des fois on bégaye. Faut pas que. Allez, on ne demande pas d'avoir le bac. Tu fais les choses habba. Faut que. Voilà. Tu vois. Faut pas qu'on soit. Ça maintenant, toi, si tu veux aller de con à ce niveau-là. Faut qu'on soit intouchable. Si tu veux. Non, ça c'est pas un truc qui est pas. Allah même ne veut pas demander d'être intouchable. Non, mais même dans la religion, on ne demande pas d'être parfait. Non, quand je te dis intouchable en mode. Voilà, on est là. Eh ben ça, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est à vous de le faire vous-même. Toi, regarde, quand tu prends le Coran, par exemple, le mot donné, c'est que tu peux réciter, allez, on va dire combien de fois? Un certain nombre de fois. Voilà, et après, tu dis, tu vas réviser toi-même. Et là, maintenant, tu te trompes, il tape, ça se trouve. Eh ben, est-ce que lui, t'as fait réviser 1000 fois? Il n'a pas le temps, il peut pas lui dire, révise, et après, toi, à la maison, tu répètes. Eh ben, ça, c'est pareil. Après, c'est un ishtiyat. Dans tous les 12, c'est un ishtiyat charsi, après. Le mot donné, il t'indique, et après, le reste, ça peut l'apprendre par cœur de le réviser. Tu vois? Il y a des mèges. C'est pas un lieu où tu auras un suivi derrière toi, ou si tu fais pas ça, t'as un zéro, ou t'es convoqué, ou je sais pas. Non. Même s'il arrive, oh, allez, comme ça. Même s'il arrive, parce que tu passes kitab 1, tu le passes 10 fois. Il faut que tu fasses 10 fois pour que tu comprennes, et ben personne va te le reprocher. Chez Moubi, il l'a fait, quand t'as Nada, il l'a fait 6 fois. De quoi? Un livre en Nahou. Mais il l'a pas fait parce qu'il comprenait pas. Il l'a fait parce qu'au début, il l'a fait que les Shia. Et c'est fort en Nahou, chez Moubi, rahimallah. C'est un Shia, ouais. Non. Tout le Yémen, c'était des chiens. Dans le Nord, c'était des chiens. Tous. C'était Ami, tu vois. Au début, il suivait ce qu'on disait, tu vois. Mais il sentait que c'était pas. Et après, il est parti en Saoudi, il a étudié, et là, il a connu le Salafi. Il a connu la Sunna. C'est un Wadiye. Ah, donc il est revenu faire la religion. Il est parti apprendre, et lui, il voulait apprendre la religion, tu vois. Il est parti en Saoudi, et là-bas, il a découvert la Sunna, le Tawhid. Et il a eu son pays, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec ça. Il a dit tout ce que j'ai appris dans ce livre-là, chez moi il faut tout le contraire. Et après il est revenu. Et après il est reparti, et après il est revenu. Et lui au début il a pris des trucs avec les Shia, et ben quand il a connu un Salafia, il a voulu refaire avec les Salafis. Mais c'était la même chose. Ben il y a plus de baraka. T'as deux manches bases, on t'a fait du Nahou avec un Soufi. T'as fait un gros livre de Nahou avec un Soufi. Après, t'arrives avec un Salafi, il a peut-être le même niveau ou le livre, tu vas vouloir le refaire. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas être enseignant, ouais. Tu vas dire chez qui t'as pris le livre? C'est-à-dire chez les soufis. Après, ils vont partir, c'est bon, on lui a pris chez les soufis, j'en prends pas avec lui. Alors qu'après, tu vas dire j'ai appris chez Cheikh Poulen, un Cheikh Salafi. Ouais. Tu vois, là, tu t'es innocenté d'avoir pris chez les Moutadira. Même si c'est la même chose, t'es plus affilié au Moutadira. Maintenant, t'es affilié au Salafi, tu vois. Donc, je te dis ça, que ce soit dans le Nahou ou de n'importe quelle science, le plus gros travail. C'est un étudiant de Charsi à la maison. Et ça, c'est pas l'enseignant qui vient avec un bâton chez toi pour dire apprends, révise, apprends, révise. Avec nos enfants, quoi. Avec les enfants, tu fais ça, non. Mais toi, avec les grands comme toi, non. Si toi-même, t'es pas un enfant, mais comment tu peux. Hein? Mais ça, justement, ça, c'est un étudiant personnel. C'est ça, justement, l'effort à fournir. Tu vois? Des fois, il y en a, tu l'aimes comme ça, ils ne savent pas. Ah ben après ça. Faut le nafar, tu vois. Faut le nafar. C'est tout le monde ici, on est tous étudiants. C'est-à-dire un frère, il n'a pas le temps de faire le kitab pendant 3 heures. Un frère, lui-même, il a ses doulous. Ouais, je suis étudiant, tu vois. C'est il a sa famille, il a ses doulous, ses boulangers. Il ne peut pas, tu vois, s'investir à faire tout ça. Ouais. C'est pour ça que chacun doit s'y mettre du fait, être autonome. Après, maintenant, on a un empêche, il y a un truc qui n'est pas compris, c'est le bon d'un frère. Il y a, j'ai pas compris ça. Ou le meilleur à faire, c'est que les frères vont d'être ensemble, ils s'assoient ensemble pour réviser. C'est ce qui est le mieux à faire. Tu vois, par exemple, si vous avez le temps un jour tous les trois, vous mettez une heure particulière dans la journée, et ce qu'on a pris depuis, par exemple, on a pris, on se révise. Moi, je t'interroge toi, tu m'interroges moi, c'est ça. C'est ça que tous les bifons. Tu vois. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ça rentre en toi. Pas que ton professeur soit satisfait. Lui, devant Allah, il a l'impression, ah, celui qui t'a enseigné, Il a fait son effort, Inch'Allah le Mukhlis, dans ce qu'il fait, une bonne niya. Après que toi, t'es bien compris ou pas compris, s'il a fait son effort, après il ne peut rien y faire. Parce que t'as des frères, ils ont du mal à comprendre. T'as des frères qui comprennent, Mashallah, ils lisent tout seul, ça rentre tout seul. T'en as d'autres, tu dis 10 fois, je comprends pas. Les gens ne sont pas pareils dans la compréhension, donc on ne peut pas leur attribuer. Parce que lui, il pourra après comprendre une autre chose, et toi, tu seras pareil que lui dans une autre chose. Voilà. Bon, allez, clair. Donc le but c'est quoi? C'est de fournir un effort personnel et Allah il voit ce que tu fais. Que t'es compris ou pas compris, il voit que t'as essayé vraiment de comprendre. Et si tu comprends pas aujourd'hui, bismillah ar-rahim, tu vas comprendre. C'est ça le but. En tout cas, t'habitues ton cerveau à quoi? À réfléchir et à mémoriser. Et comme je t'ai dit, le but c'est pas sortir le liquidab, tu l'as par cœur, 100%. Ça c'est... Je crois que c'est pas humain ça. À part peut-être chez les gens qui Allah il a mis le tawfiq, tu vois, c'est vraiment des ayatillah comme Cheikh Ibn Taymiyyah par exemple, ou le Nawawi. Ces grands imams qui, eux, lèvent au moins plus de 10 cours par jour, hein, oui. Aujourd'hui, je te défie d'en mettre 3 et de les avoir bien tes 3 doulous, tu pourras pas. Question, t'as dit quoi là, il y a 10 minutes, ça va trop vite. Ouais, pourquoi je t'ai dit ça dépend, hein? Si il y a un coup de boost derrière, ça, tu vas voir. Mais, tu vas voir que ah, parce que tu crois, chez Ibn Taymiyyah, il a commencé tout seul. Ouais, mais lui, c'est... Ayat, il l'a. Ouais, il l'a comme ça. Eh ben, je pense pas que Nawawi, il avait quelqu'un derrière qui mettait les coups de bâton pour qu'il apprenne. Mais tu viens de dire, lui, c'est une exception. C'est pas pareil. Eh ben, regarde. Eh ben, ces gens-là... Il est obligé de cacher cette safra-là. Ah, ouais. Eh ben, ces gens-là, personne ne tapait. Mais c'est des comment ils ont eu ce tawfiq? Peut-être parce que souvent ils font un effort énorme. Quand on apprenait le Coran, il n'y aurait pas le bâton, mais on ferait 10 ans. Parce que t'es petit, les enfants, oui. Les enfants, non. Mais les grands comme toi, si je te tape, tu vas me taper après. Non. Eh bien, au château, il y avait des gens, ils avaient des 25 ans, des 30 ans. Ah oui, si. Le bâton frappe. Si les profs avaient tapé tout la bête de baisse, il y aurait des bagarres tous les jours. C'est obligé. C'est déjà arrivé une fois. C'est pas taper quand c'était grand, tu lui mets coup de pression et ça fait plus mal. C'est pas coup de pression. C'est tu lui dis la prochaine fois que tu fais pas, t'es viré, les gars. Voilà. Ouais, mais ça arrive. Là, on a fait combien de temps dans le DEF? Tu as déjà viré des frappes, mes doulous? Mais si je ne fais pas au bout de DEF? Tu fais au bout de peut-être un ou deux lits, genre vraiment que lui il joue. Au bout de deux lits, Harry, tu continues pas avec moi. Parce que genre, tu me fatigues tout le monde. Tu poses des questions qu'on a déjà pris, tout le monde a assimilé, tu reviens. Ouais, l'Oumtada, pourquoi il est mal fort? On a pris un devoir. Tu dis, Harry, arrête. Tu vois, là tu plaisantes. Surtout qu'à la fin de chaque deux, je dis, ma faute, ça, est-ce que t'as compris? Toi, tu me dis oui. Tu reviens deux mois après, pourquoi il y a une dame? Je suis Harry, tu te manques de. Là, les gens ils rigolent des fois, ils sketchent. Tu vois, les gens rigolent, Harry. Tu vois, c'est pas qu'on se moque de toi, c'est que t'arrives à un stade, donc je dis toi, fais un effort, et toi il fait pas d'effort, je suis désolé, tu continues pas avec moi. Parce que toi tu nous traînes en arrière. Nous on veut avancer, toi tu nous tires en arrière. Tu vois, et ça c'est fatigant. Là c'est pas au bout de 15 heures, je veux dire, sors. À part si vraiment je vois que tu viens jamais, quand t'arrives, tu fais n'importe quoi, je veux dire, ah, c'est mieux pour toi que tu continues avec un autre. Dans l'autre, moi j'arrive pas à passer sur toi. Je m'excuse, j'ai trop du mal avec toi, j'arrive pas à passer sur toi, vaut mieux que tu sortes de mon derf. Tu vois. Mais si tu veux que je suis avec un bateau, je te tape, je le fais, mais tu me rends pas par contre après derrière. T'assumes, hein? Ouais. T'assumes, mais les frères sont témoins. Que tu m'entendais te taper. Tu vois? Nerveux, là, tu m'as dit de faire moi. Moi, nerveux. Alors là, tu te trompes. Hein, alors là. Ça, c'est une technique qui marche. Ça, c'est une technique. Ah, Mohamed. Ça, c'est une technique qui marche avec les enfants. Nous, les grands. On tape plus. Nous, on sait pourquoi on est venu de la France. On a fait un long voyage pour ici, c'est pas pour qu'on tape dessus pour qu'on apprenne un truc. Non, c'est pas juste. Déjà, le fait que je combien t'as dépensé pour venir ici, normalement tu dis ouais, il faut que j'apprenne. Ça y est, c'est bon. Faut que je récupère mon argent pour Allah, tu vois. Ah, c'est pas, je suis venu ici et j'ai joué, j'étais à droite à gauche, et à la finale, j'ai dépensé plein d'argent et j'ai un dans ma tête. Ouais. Comme beaucoup ils l'ont fait, tu vois. Ils sont arrivés, grosse maison, gros billet d'avion, ouais. La maison machin, la nickel, tout dedans. À la finale, ils rentrent en France et ils le fin d'être à ses frères. Il peut pas. Ouais, j'étais à Debel, dis non, vas-y, fais-nous Kitab Awel. Non, attends, en fait, vas-y, Kitab Awel, t'as vu, j'ai pas, quand je l'ai fait, j'ai pas bien compris. Mon prof, il est trop vite. Par exemple. Ou j'avais 4 heures par jour, donc j'arrivais pas à les réviser. Tu vois. C'est comme ça. Il revient, j'étais à Debel, il a les galons, comme on dit. Mais il n'arrive pas à enseigner au frère. Donc peut-être ton débelge, pour toi t'as appris certaines choses, mais t'as, le but de quoi t'as l'abelème, c'est Raf, El Jel, Hadnafsik, que t'enlèves l'ignorance de toi, ou Anraïlik, et des autres. Celui qui a fait Diyala, il a la bonne idée pour ta l'abelème. Tu commences d'abord par toi, tu dis après moi, Inch'Allah, je vais enseigner à mes frères. Tu vois. Et ça, Inch'Allah, c'est pas de coup de bâton. Il faut qu'on va avancer, après on pourra faire comme il a dit ce soir, et tatata. Un âme, tu vois. Mais crois-moi, tu vas pas, si vraiment tu veux que j'aille vite, je mets toutes les définitions. Je le faisais au début avant avec ses frères Hadamot quand j'étais là-bas, avant qu'Allah me sorte de ce guépier. Les frères, je leur faisais apprendre des trucs par cœur, je leur faisais quand même les banas. Ils se sont rendu compte, les banas, eh ben c'est pas la tariqa des salafs. C'est une tariqa scolaire. C'est-à-dire, j'ai essayé de leur faire en une heure que je faisais en 3h30 à l'Ibana. Ça aussi c'est pas possible. Hein? Ça aussi c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ibana, t'as dit Ibana c'est quoi? On est. Ça coule encore? Mais dis donc. Aujourd'hui, t'es vraiment. Ah, plus armé que moi. Hein. Les balas, c'est une tolika qui est scolaire, c'est pas une tolika des salas, comme ils s'y prennent. Et la baraka, c'est dans la méthode des salas. Nosjid. Haraka. Et tu verras qu'en peu de temps, tu pourras avoir un niveau bien plus que ces gens qui font 3h30 avec un prof et qu'un examen à la fin du mois. Ah, et tu payes pas un sou. La baraka, elle vient dans là, tu vois. Tu parles avec le prof le plus coté, le plus fort en Nahou. Si elle a mis pas de baraka dans sa méthode, tu vas te casser la tête. Et demain, tu peux avoir un frère qui a un niveau comme ça. Mais du Charles Moustakim, il est le taqwa, il est sincère et toi aussi, vous allez marcher, mashallah. Même si un petit peu chaque jour, un petit peu, un jour tu vas te rendre compte, ben, en fait j'ai avancé. Tu vois, et l'autre il est là-bas, il a dépensé pas beaucoup d'argent, il dit ouais, genre l'arabe j'en ai assez, le darou ça fait mal à la tête, je comprends pas et tout, j'en ai marre, j'arrête. Et à la fin il apprend l'anglais. Faut jamais oublier ça, la baraka minallah. Quoi que tu fasses, comme effort et tout, c'est là qui met la baraka, le tawfiq. Et donc faut avoir une bonne niya. Tu vois, et faire un chiat comme chacun il peut. Comme chacun en fonction de ses moyens. Tout le monde n'est pas pareil. Demain, tu vas avoir un frère là pour 4 pages, comme on disait l'autre jour, et un pour 2 lignes. Mais celui qui fait 2 lignes, il le fait tous les jours. Dans quelques années, le Coran, il va le finir. Il n'a pas fait une course, mais dans le Coran. Et l'autre, il a fait peut-être 4 pages, il l'aura aussi. Et tous les deux, chacun, comme là, il les connaît, tu vois. L'un, il mémorise, machallah, et l'autre, c'est plus de mal. Le but, c'est quoi? C'est pas une course, c'est chacun fait comme il peut. Tu vois, comme il s'y porte. De, et d'avoir la niya. Une bonne niya. Hein. Ben celui qui fait ça, il a du hache. Nabi Salam, il l'a dit. Celui qui a du bon avec le Coran, il a deux. Ah ouais, non, bah après, faut qu'aussi. Ah non. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Chacun, comme il peut. Le Qayyim, il a dit du Faïda, il a dit Shaitan. Il a deux moyens de faire tomber quelqu'un. Il a deux moyens de faire tomber quelqu'un. Par exemple, il voit que toi, tu es quelqu'un de très motivé, d'ambitieux et qui a la fougue, comme on dit. Il se dit, ben toi, tu vas te faire apprendre 15 pages par jour. Tu vois, toi, tu vas prendre 2 pages par jour. Il dit, tu peux en apprendre 4, vas-y, prends 4 pages par jour. 4. Tu vois, tu en fais 4. Tu peux en prendre 6, vas-y, prends 6 pages par jour. Parce qu'au jour, t'es dépassé, t'en peux plus, t'abandonnes. Fais, je t'ai eu. Et le deuxième, c'est un fainéant, tu vois, il a du mal. Donc il commence à prendre une demi-page. Il fait, non, c'est trop pour toi, une demi-page. Prends 3 lignes et tout. C'est plus facile pour toi et tout. Mais il prend 3 lignes. Non, c'est trop. Regarde, t'as encore du mal. Prends une ligne. Il prend une ligne. Et à la fin, il abandonne. J'abandonne. Moi, j'en ai marre. C'est toi, je t'ai eu toi aussi. Il rentre dans quoi? Dans là, il voit que t'as un point fort ou faible. S'il voit que t'es fort, il va être plus dans ta force. C'est parce que tu te fatigues. Si t'es faible, il va te tirer de ta faiblesse et ça, t'abandonne. Ce qu'il faut, nous, c'est le wasat. Juste le milieu. Tu vois, t'as de la fougue. Reste ce que tu es. Même si tu veux, tu peux apprendre 4 pages et t'en fais 2, bah tu passes les 2 tous les jours, c'est que t'en fasses 4. Dans un mois, tu fais même pas une ligne. Tu vois? Il veut dire cours. Quand t'es essoufflé, t'arrives plus à courir. Faut pas oublier, on a un ennemi déclaré. Et il veut quoi? On a un talabéré, donc on part d'ici. Et il va trouver pas de porte. Prends, t'as 2 d'œufs, prends-en 5. T'as ça, fais ça. T'as pas d'argent, travaille, comme ça tu te charles de trucs. T'as une femme, prends-en 4, tu vois. Tout pourquoi? Pour essayer de te détourner. Bien que des gens ont 4 femmes, et ont 4 de l'eau, s'ils y arrivent. Mais toi, tu n'y arriveras pas, tu vois. Toi, tu n'y arriveras pas. Il dit, lui, il sait que je vais faire ça, il ne va pas y arriver. Donc je vais faire en sorte qu'il fasse ça. Qu'il prenne 4 femmes, qu'il prenne 15 d'herfs, et qu'il travaille. Comme ça, à la fin, il craque, et il rentre. Il rentre où? La il rentre d'où il vient, d'où il est venu. Il retourne d'où il vient. S'il est venu de France, il retourne en France. S'il vient du Mali, il retourne au Mali. S'il vient d'Algérie, il retourne en Algérie. Le but, c'est qu'il n'a pas acquis ce qu'il voulait en ce lieu-là. Tu vois. Le but, c'est que Shaitan, c'est que tu partes d'ici. Et on entend plein de portes différentes. Construire une maison, par exemple. C'est une de ces portes. Pour que tu te fatigues et après tu dis c'est bon, je m'en vais. Hein? Même t'as l'argent, c'est pas une question d'argent, c'est une question de fatigue. Tu peux avoir des millions, Henri. En fait, c'est quelque chose de baraka, c'est tout comme ça. Voilà, c'est baraka. Voilà, c'est le baraka, t'as le bon IA et toi tu fais les choses vraiment que tu prends le dos, tu fais les choses pour plaire à Allah, tu vois. Tu construis ou tu achètes. Et voilà, baraka. Demain, ça sera une maison, on dirait avec ça, on dirait un taudis qui est prêt à s'écrouler. T'as besoin de te dire, Mashallah. Allah, il fait qu'à tienne. Et l'autre, il va avoir un château et tout le jour, quand il pleut, ça rentre. Tout le temps bouché, les ingestes elles sortent du hammam, tu vois, je sais pas, l'eau elle vient pas, tout le temps il a un charol, tu vois, un truc qui l'occupe. Pourquoi il n'y a pas de baraka celui-là? Tu vois, il n'y a pas de baraka. Et t'en as, ils ont un petit billet, l'argent il reste, t'en as, ils ont des. Ça rentre, ça va pas de partir. Comment ça n'a, comme disait l'autre jour? Ça n'a l'argent, t'as vu comment il défile? Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et à la fin, tu dis, mais j'ai plus d'argent. Tu vois, et t'as rien fait. Tu dis, j'ai même pas deux livres avec moi là. Et j'ai même pas de nouveau camis et j'ai plus d'argent. Il est où l'argent? Tu dis, il est passé où l'argent? Et dans tes mains, t'as pas de matière. Comme tu dis, il est parti où l'argent? Et l'argent est par flap comme ça. Tu dis, c'est vrai, il n'y a pas de baraka. Tu vois, et tu dis, il n'y a pas de baraka. En tout cas, après, Inch'Allah. Tu vas continuer le cours parce que là, le Shaitan nous a eu. Non, c'est un petit rappel. Ils vont sortir de ce cours-là, ils n'auront pas fini leur cours. Ah, c'est un petit rappel. Vous voyez, pour moi, Walen, et pour vous, Inch'Allah. Ça y est. Donc, on s'est arrêté, hein. من هؤلاء الناس هم حجاج من الهند طيب ثالثا اين الطبيبات شفتي اين الطبيبات نعم هؤلاء في مستشفى الولادة نعم جعفر ولا يسأل اين الطبيبات ايوه اتت جاي في شارع سيكون ضمير كيفو نعم Attends, tabibat. Ouais, c'est au pluriel. Je peux dire Raoula, mais là, c'est pas ça qui est demandé. Non, on va dormir. Voilà. Non, bunna. Man hadha al-waladu alladhi kharaja min baytik. Ibn Wakhi. Huwa, non. Min ayna haoula duyuf. Min al-Riyad. Hum, min al-Riyad. Min ayna haoula al-mumarridat. Min al-Philippine. Là. J'ai pas les moyens de te les rembourser. On a dit Moumaridat, c'est. Infirmière, elle soigne. Ouais. Ah, Runa, Min Philippine. Et c'est quoi Philippine. Le jam de Moumaridat, Moulakar Moumaridouna. C'est infirmière. Non, elle soignante. Même Adil Fatat. Bintu Moudarifati. On a manqué Hiya. Non. Ça y est, ça c'est ma forme. Donc on rentre dans le djinn. Le djinn il concerne quoi maintenant? La partie djinn, la quatrième partie de ce vers, vers 13, c'est Ismi Shara, Al-Jam, Lil-Ba'id, ou La-Ika. Ça y est, Ismi Shara, Lil-Jam, Al-Ba'id. En fait, c'est le djinn de Zalika. Le djinn de Zalika. Ismi Shara. للجام البعيد ذلك في المفرد أولئك في الجام تكم هذا في المفرد هؤلاء في الجام أولئك نعم أولئك أولئك أولئك في شارع والبعيد هؤلاء في القريب وأولئك في البعيد كم هذا ذلك هؤلاء البعيد هؤلاء هؤلاء لا ما تقول هؤلاء لا اولئك ما تقول هؤلاء ذلك ذلك ذلك الجمع اولئك ذلك اولئك اولئك ايوه وهذا في المفرد وهؤلاء في الجمع الى فيمينا ماسكولين او اولئك Ouais, allez, simple. Allez, Abdelkarim, j'ai plus de mouchoir là. Pourquoi tu ne sors pas direct le nez? Ça sort direct. Bouche bébé, j'ai. Ouais, celui mouché. Non, j'ai. Tu sors la bouche. Faut de dalle. Non, il y a des appareils pour ça. Ça, c'est la meilleure solution. Non, mais celui dit lui de souffler. Hein? T'as pas connu ça? Non, mais ça, c'est ce qui, c'est comme de l'eau, ça coule tout le temps, en fait. Ça va quand même. Tu vois? Allez. Ça va. طيب ما مفهوم ولا ايجار نعم مثلا اولئك مشر البريه اي اكزامبل بالقران فوالا بنفسك انت بنفسك جل الذباب راح كذا طيب نعم دونك يدي هؤلاء اخواتي واولئك اصدقائي Eux sont mes sœurs et ceux-là sont mes amis. Donc là, regardez, ha ulai il qarib wa ulaika il ba'id. Attends. Ba'id. Ba'id c'est bien. Non. Attends, mais au secondaire, c'est le secondaire. Bi hadha Muhammad wa zalika Hamad. Ouais, mais moi je dis ulaika rijal. Bon, ça peut proche ou ça peut être en deuxième. Voilà. Et tout comme tu peux aussi l'employer pour un proche. Tu peux dire zalika alors qu'il est proche. C'est l'origine. Zalika. Voyez ouais. C'est pas obligatoire, c'est pas. Non, mais en général, les gens disent, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ta maison, elle est là, c'est celle-là. Ouais. Là, on est là, tu me dis, elle est pas. Mais maintenant, on dérive vers le maquette, vers un autre qui demande ta maison. Ça veut dire, Zalika Baiti. Ah, parce qu'elle est seulement. Non. Et si t'as une maison, 8 maisons et 10 maisons, tu verras celui-là. Vous voyez Man ulaika rijalu tiwalu. Vous voyez Man ulaika rijalu tiwalu. Qui sont ces hommes, ces grands hommes. Et je vous donne une feuille là pour le concernant de Mohamed. Tiwalu, non. De quoi Tiwalu? Man ulaika rijalu tiwalu. Une feuille là comme ça, Mohamed, pour vraiment dire qu'on va trop vite. Le kef là de ulaika, en fonction de qui vous parlez, vous pouvez le changer. Ouais. Si tu parles d'une femme, tu dis ulaiki et rijal. Et si tu parles à des hommes, tu dis. Aïwa. Tu parles à ta femme. Tu dis. Il y a Fulana, Oulaiki, Rijel. Hein? Tu peux faire ça. Ou tu parles à des gens, tu dis Oulaikoum, Rijel. Dans le Coran, c'est beaucoup. Zalikoum. Non, Zalikoum, ouais. En vrai, quand tu parles à des gens. Ouais, quand tu parles à vous, par exemple, moi je parle à vous. Alors là, tu dis, par exemple, moi je dis, vous êtes tous les trois, je dis Zalikoum Beiti. Ceci est ma maison. Zalikoum, quand je dis Koum, c'est à vous que je parle, Zalikoum Beiti. Ah, tu peux dire ça? Tu peux faire comme ça. Donc, c'est beaucoup ça. Comme quand on avait vu. Quand tu dis Zalika, ça sera pas à la maison. Oui, mais là, le kef, il revient à CD à qui tu parles. Il revient pas à la maison. Le kef, là, c'est à la maison. Je dis par exemple, Oulaiki. C'est l'île Mouannas. Hein? Oulaiki. Bah, pourquoi on dit pas Zaliki? Abayt, c'est masculin. Ah, ouais. Non, le kef, il revient au Boukhata, pas au Bouchard. Il vient à qui, en fonction de qui tu parles. Voilà. Il n'y avait pas autre que ce que tu indiques. Si tu dis Oulaiki, c'est femme. Si tu parles à ta femme, tu me montres une chose. Ouais. Tu dis par exemple, il y a Fatima, Zaliki Beit. Voilà, le qui vient à toi, voilà. Tu regardes ça. Voilà. Et tu parles à des gens, tu dis Zalikoum Beit. Tu peux dire Zalikoum. T'es pas obligé. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Bah, mais pourquoi t'es pas obligé? C'est obligatoire. Ça, c'est un truc qui est jaïs, Moubar, qui est permis. C'est comme c'est permis. Quand tu peux dire Zalika, tu peux dire Zalika. Tu peux dire Zalika, mais off. À l'origine, tu dis Zalika. Ah, mais je comprends pas, on dit, dans la traduction, Zalika c'est 7. Ça c'est propre à l'arabe, y a pas, tu peux pas traduire. Mais si ils sont deux, je peux pas dire Zalika Huma. Zalikouba. Ah, c'est rare, ça j'ai jamais entendu. Tu vois, ça c'est propre à l'arabe, c'est pas traduit. Et si t'as deux maisons, tu dis quoi? Hein? Si t'as deux maisons? Là, le Mishara, le Moussa du il va venir, Inch'Allah, le duel. Beitain. Ça dit Beitain. Oula Iki. Ouais. Bouyout. Hein, ça dit Beitain. Ça dit. Non, tu vas pas dire autre, ça va dire le pluriel du Raïl Arakib, ça va venir, Inch'Allah, on n'a pas encore pris. Ah, ça se dit, ça Beitain. Ouais, mais ça rentre pas là dans l'Ismichara, ça c'est autre chose. Mais ça se dit. Hein? Enfin bon, eux deux ils ont compris, tu comprendras après, Inch'Allah, c'est pas grave. C'est pas important, c'est juste une faïda. Taïeb, ce que vous voulez voir dans le Coran ou dans l'Ahadith, comme ça au moins t'es averti, tu vois que c'est l'Ismichara et qu'il y a un nouveau. Taïeb, Hum Atibba'u min America. Ils sont des médecins d'Amérique. Man Oulaïka Nisa. Regardez, donc là on voit que Oulaïka il est mixte. Il dit Oulaïka Nisa. Taïeb. Qui sont ces femmes? Hunna ummahat talibati. Elles sont les mères des étudiantes. Ummahat. Ummahat. C'est le djem de Umm. Taïeb. Ummahat sont djem. Ouais. Mais là, il a dit. Man Oulaïka. De quoi elle va pas comprendre? Oulaïka. C'est quoi que t'as pas compris? Je comprends pas, c'est 7 et il peut se décliner ça que j'ai pas. Tu comprends pas la tête lève, c'est juste une faïda. Elle est pas rentrée, et toi tu l'as pas assimilé, c'est pas grave, c'est pas notre derf. C'est pas important. T'as compris Oulaïka? Ouais, j'ai compris Oulaïka. Là, contente-toi de Oulaïka. Et ben voilà, par exemple Oulaïka ici. Et il parle de Nissa, j'aurais pu dire Oulaïki. Ben non, parce que ça dépend à qui tu parles. Ouais, mais ouais, si je parle à une femme. Ouais, par exemple tu peux dire Oulaïki. Non. Même si c'est deux hommes. Je parle à une femme, mais je parle de... Le caisse, il revient pas à ce que tu montres, il revient à qui tu parles. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu parles à un homme, le caisse là, ou la ika, c'est une lettre qui était rajoutée. L'ismu shalom, c'est ou la i. Le caisse là, c'est comme on le dit à l'ika. L'ismu shalom, za, c'est tout. L'ika, c'est un ajout. Mais pourquoi on... Et là, l'ismu shalom, c'est ou la i. On comprend pas ou la i. On l'a pris, ou la i. Non, on a pris Oulaï. On l'a pris. C'est pas Oulaï. Le ha, il est rajouté. Le os, c'est Oulaï. C'est comme Haza. Le os de Haza, c'est quoi? Za. Et le ha, c'est un ajout, on l'avait dit. Par exemple, le Coran, il dit Oulaï, quel. Parce que c'est un haf za'id. Il parle à qui? De quoi? Bah, c'est là. C'est pas obligatoire, Abdelkader. Tu n'es pas obligé de dire Za'alikoum, si tu parles. Tu peux dire Oulaï à 10 personnes. C'est juste un truc qui est permis en langue arabe. Tu peux le faire. Mais ce n'est pas. Tu peux pas traduire en français. En français, ça va être. Cela ou ces choses, il n'y a pas de différence, ça, c'est propre à la langue arabe et c'est permis, c'est pas obligatoire. Celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui, en fait, quand il parle, il est méticuleux, en fait. Il sait qu'il parle des gens, en fait, c'est quelqu'un de littéraire, d'éloquent, mais c'est pas obligatoire. Alors, moi, là, quand il parle, quand il dit ou là, quand il dit ça, quand... Non. Là, il parle à qui? En gros, il parle à des gens. Il parle à ceux qui lisent le Coran. Par exemple, quand il dit il y a Ahl al-Kitab, après, il dit. Ah, ouais, là, il parle d'Al-Kitab. Il parle de ceux qui ont. Il parle à celui qui est le Coran. Tu vois? Il parle à celui qui est le Coran. Tu vois, je dis, c'est pas un truc qui est obligatoire et c'est pas traductible. Tu peux pas traduire ça. Tu vois? Toi, tu vas l'entendre souvent en tout cas. Tu vois? Dans le Coran, il est beaucoup fait, beaucoup. Tu vois? Sache que c'est avec Inch'Allah. Tu vois, Zalikoum, c'est Zalika en fait. C'est ce que Allah, il s'est combattu à nous. Donc il dit vous. Allez, ouais. Cela vous est meilleur. Cela vous est meilleur. Il aurait pu dire Zalika khayrulakum pareil. C'est plein mieux aussi. Le sens aurait été pareil. C'est pour être comme il a dit plus éloquent. Tu vois? Je peux dire Zalikum khayrulakum comme je peux dire Zalika khayrulakum. Tu vois? Et si toi t'arrives à assimiler ça, le jour où tu parles, en fait ça va t'aider à quoi être précis. C'est tout, mais c'est pas obligatoire. Ça y est. Aba'u tullabi inda al-mudiri. Aba'u, c'est le djem de. De quoi? Non, Louis Mouchara, c'est Zalik. Ouais, non, mais Zalik, on n'est jamais une autre faïda. Non, mais c'est bien, Mouchara, parce que. Hein? En fait, c'est ça dépend à qui tu parles, voilà. À qui tu montres. Par exemple, si je dis à eux, le E, je dois dire Zalikum, Zalik. Ah, ouais, non. Mais Louis Mouchara, c'est Moufrad, c'est Za. Parce que c'est la chose que tu montres. Qui ouais. C'est bizarre, hein. Pas, hein? Là, là, là, prends le. Parce que t'es tout seul. Si t'es avec moi, tu vas me dire Zalikoum. Pas obligé. Si c'est quelqu'un de faussé, qui connaît bien, qui veut au-delà, il veut te montrer que. Ah ouais, je suis prospère en arabe, bah, il va te le faire. Non. Donc, Aba'ou, c'est le diable de. Aba, c'est le diable de. Ab. Aba'u tullabi inda al-mudiri. A ulaika nisa'i khalatika ou khalatuka fawd yabar yabu. Est-ce que ces femmes sont tes tantes maternelles, yabar yab? Après l'autre, j'ai pas fait le cas. C'est quoi, regarde. Aba'u tullabi. Les pères des étudiants sont chez le mudir, directeur. Ah, mudir. Non. Après il dit là hunna ammati. Non, elles sont mes tantes paternelles. Ha'ula'i, c'est l'île Karib. Vous voyez? Atibbe'u wa ula'ika lil ba'id. Muhandisun. Ha'ula'i. C'est le chahal l'île Karib. Il n'y a pas ha'ula'i là. Si, là. Non, c'est pour ça que je te fais. Là, si, il y a ha. Si, il y a. Ha, non, ha. Il a dit ha. Il y a ha. Il y a ha. C'est ha. Non, il n'y a pas ha. Ah, mais c'est le même truc. Ils sont là. On est là, nous. Ah ouais, parce que lui, je devais mettre son doigt là. Non, c'est là, il y a ha. Ha, oula'i, atibba'u, wa oula'ika muhadditun. Il dit ha, il dit non, mon frère. Mais non, mais si, je te dis ha. Ici, je te dis ha. C'est quoi, ils ont dit ha, là, je dis. Ha'oulaï rijalu fukara'u wa oulaïka arniya'u. Fukara, c'est la distinction, genre. C'est le jam de fakir. Ou arniya, c'est le jam de roni riche. Fukara. Oulaïka tullabu di'afud. Ces étudiants sont faibles. Di'af, c'est le jam de da'if. Da'if, ça veut dire faible. Man oulaïka rijalu. Qui sont ces hommes? Hum. Wuzara'u. Wuzara, c'est le jam de wazir. Ou le wazir, c'est le ministre. C'est le ministre. Hein? Man ulaika musafir. Musafirun. Musafirun. Non. Et qui n'a pas des femmes? Man ulaika musafirun. Musafirat. Musafirin. C'est autre chose. Ça va venir après, Inch'Allah. Si vous voulez, je le donne maintenant, je vous tue là. Si vous voulez, je le donne maintenant. Vous avez fini, je le donne maintenant. Mais il a dit quoi? Man ulaika musafirun. Musafirun. Musafirun. Pour les femmes, musafirun. Musafirun, c'est autre chose. Ça va dans l'Irlab, ça va venir après, Inch'Allah. Dans le sens, c'est le même sens que musafirun, ça va dans l'Irlab, elle change. Et ça va venir après, Inch'Allah. T'as tabarin. Hawil l'umtada fi kulin nejubel atiya il est jam. Ma taghayyir ma yulzam. Mathalan, là, vous voulez quoi? Que les phrases, vous les changez en jam. En changeant ce qui est nécessaire. Par exemple. Ah ouais? Ah, toi, Zalika rajulu mudarrisun. Mathalan, ça c'est le. Ça c'est mufrad. Ça va devenir. Ulaika rijalu mudarrisuna. Ça faut? Taïb. Man zalika al-fata. Mohamed. Je mets. En jam. Ouais, oulaïk al-fata. Man zalik al-fata. Hat al-jam. Cette phrase, tu la chambres en jam. Man zalik. La phrase, tu la mets en jam. Bah, oulaïk. Ah oui, bah dis-le. Bah, oulaïk al-fata. Man. La phrase, c'est man. La phrase, c'est man zalik al-fata. Man oulaïk. Donc, tu vas dire quoi, toi? Man oulaïk. Ah, d'accord. Man oulaïk al-fata. La fata, c'est moufrad. C'est quoi le jam de fata? Jam. Donc tu veux dire man ou là il calpitie à tout. Vous voyez? Man les enfants. Ouais. Ah les jeunes garçons. Fata tu m'as dit ça c'est mon frère Fata. Non. Fitia et Jeff Jab. Et Moana c'est quoi? Moana c'est quoi? De quoi? Le jam de Fata. Fata tout. Non le jam. Fatayat. Fatayat. Fatayat. Min aina zalik al-mudarrisu. Mais moi je l'aime plus mon frère. Hein? C'est quoi en fait? Non, c'est vrai qu'il nous a ramené en arrière là. Ouais, non, parce que je m'en souviens plus de. Parce que là, j'ai ça, Fitia. Ça prouve ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas rentré parce qu'à la maison, le mot il n'a pas été ancré dans la mémoire. Ah, ouais, il est pas courant. Non, mais parce qu'il y a Fata, il y a Fitia. Ah, ouais, bah ça, c'est à toi. Fatayat. Bah, tu crois, regarde, moi ce qu'on fait à la maison, tous les mots nouveaux, tu dis Fitia 15 fois chacun. Ou 20 fois chacun. Inch'Allah, ils vont rester. Bidnillah. Ben, ça c'est pour lui, entre lui et Allah, tu vois, pour lui. Moi, j'ai pas vérifié. Je vous donne des devoirs, moi, Abdullah. Non, mais donne-moi des trucs personnels, eux, je suis pas avec eux. Moi. T'as eu donc mille, c'est le temps, là, quand on termine le vers. Min aïna zalika al-mudarrisu. Avec les Abdelkader. Min aïna ulaika al-mudarrisu. Naam. Tilka fatatu bintu tabibi. Oula, Fitia, Fitiatou. Fatayatou. Oula, Ika, Fatayatou, Bintou, Stabil. Bintou. Fatayatou, Bintou. Fatayatou, Bintou. Maljan, Bint. Bint, Banat. Oula, Ika. Ha, Oula. La, Oula, Ika. Oula, Ika, Fitiatou. Fataya et tout. Oulaika fatayatu banatu tawbiyah. Le barif il bait. C'est quoi Fitiatu? Il reste à la maison, Inch'Allah. Taïeb? Ouais, c'est pas Fitiatu. Bah, c'est les enfants. C'est quoi Fitiatu? Dis-moi, c'est quoi Fitiatu? Tu vas te le dire après, Inch'Allah. Tabib, vous l'avez pas mis au premier. Non, Tabib, il reste. Le but, c'est quoi? Le Oulaika arrive à qui? Je vais pas te marcher là. Hein? Tu vois? Taïeb. ثانياً أشير الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أو أولئك تلك في مؤنث مفرد ذلك في مفرد مذكر طيب دونك maintenant on met un إشارة devant chaque mot طالب tu veux dire quoi ذلك تجار جم tu veux dire quoi نعم مدرسات جم أولئك طبيبات جديدة أولئك طبيبات جديدة آه ذلك آه ذلك طبيبات طبيبات ذلك طبيبات جديدة محمد جدود بقى لا لا للمفرد طبيبات جديدة تلك طيب أمهات الطالبات نعم آباء طلابي آباء أيوة آباء جمع أب ذلك ذلك آباء أولئك آباء طلاب نعم لا تقول نعم فلاح ذلك فلاح فيزن عمد ذلك نعم أم محمد نعم صديقي نعم بعيد ذلك أخواتي أخواتي تلك أخوات جمع أولئك نعم إخوتي نعم أو فت une fois je me trompais j'ai dit إخوة avec un ألف il y a pas d'ألف Là, ikhwati, regarde. Là, après, ils ont mis un alif, un sans alif. C'est un tel, après le waouh, t'es marou dans Mouachar, il n'y a pas d'alif. Est-ce qu'à un moment, pendant les cours, on parlera plus en arabe ? C'est le but, Charles. Tu m'as dit, c'est lequel ? Là, je l'ai fait en français, parce que c'est pas qu'on enregistre pour les frères en France. Sinon, je vous le donne en arabe, le Doris. Ah, ça parle en France ? Là, ils vont entendre toute la conversation. Ils vont entendre. Non, ils coupent. Hein ? Là, il y a un mal ? Il y a un mal. Un jour, il y a une grosse erreur ou un truc qu'il ne faut pas mettre, je l'enlèverai, mais là, on a un du mal. Pas de censure. Pas de censure. Hein ? T'inquiète pas, ceux qui ont du cas. Comme vrai, ils auront bien les mettre là et prendre le daf avec nous. Donc, Arawat, là, c'est. Attends, parce que moi, il m'avait dit un truc. Là, j'ai mis Ikhwanoun après le web. Ah ouais, non, là, il y a un alif. Mais Ikhwa, il n'y a pas d'alif. Le deuxième, après le web. Ikhwa. Ikhwa, fuck it. Il n'y a pas d'alif. C'est après le waouh, ça atteint directement. Ikhwa tout. Tout ça c'est. Ah, c'est pas Ikhwa. Là. Tout ça c'est Muzakkar. Ah ouais. Voilà. Et. La dernière fois, je t'ai trompé, je t'ai dit qu'il y avait un alif. Il n'y a pas d'alif. Comme ça, l'erreur, elle se prend en tête. Ikhwati. On a mis Tilka. Ikhwati. Là, c'est Muzakkar. Ikhwati. Ikhwa. Muzakkar. C'est le jam de Akh. Ikhwati, c'est Muzakkar. Bah oui, c'est le jam de Akh. Ikhwa. Quand au féminin, c'est quoi le jambe de Akh? Akh? Alors? Ikhwa? Bah alors? Hein? Bah c'est quoi le problème? Bah ça, c'est Ikhwati, c'est quoi ici? Bah c'est Ikhwa, avec un Yamutakalim. Ikhwati, mes frères. Non, tu sais ce que c'est? Ah ouais, ça c'est le jambe de Urt. T'as dit Ikhwa, t'as pas dit Akhawat. T'as dit Ikhwa. T'as dit Ikhwati, t'as pas dit Akhawati. Attention, c'est pareil. Mais Akhawat, c'est pas Tika, c'est pas Oula. Oulaika. Oulaika. Les deux, même Akhwat et même Ikhwati, c'est tout le jam, c'est le même ism ishara. Ouais, tu peux dire Haoula. Haoula, c'est la même chose. Haoula, en fait, Haoula et Oulaika, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. L'autre, il est loin, l'autre, il est proche. Taïb, donc, mille. Celui qui a un cas. Had jam et kalimat il atiya. Quoi, jam de Oumahat. Naam. Ab. On l'a pris là. Le jam de Ab, c'est quoi? Nam, Ab. Imra. Dis-moi rien, attends. Aïwa. Imra. Hier, tu m'as dit. Nam. Imra, Atun. Aïwa, c'est quoi le jam? Amara. Si tu oublies, franchement, là, coup de tête parce que hier si il a oublié, c'est comme ça prouve que je disais tout à l'heure, c'est la, le voyage à la maison, c'est ça qui va faire un peu. Même s'il n'y a pas de voyage, comment tu nous as émulé tous les deux là, jusqu'à où on était bloqué comme ça. Je ne vous ai pas émulé. Dis ça. Voilà, dis ça. Abba, c'est le diable de Imra. Nissa, c'est le diable de Imra. Si. Ah, voilà. Si. Nissa, c'est le diable de Ibra. Ibra, c'est une femme, Nissa, c'est des femmes. Bah, c'est quoi Mar-Atou? Là, Mar-Atou, c'est Nissa. Et c'est quoi Mar-Atou? Attends, j'ai appris dans un livre que mais il est côté Nissa en arabe. Mar-Atou, ça n'existe pas. J'ai jamais vu, moi. Moi, j'ai jamais vu Ibra-At. Mar-Atou. Ibra-Atou. Ibra-Atou, ça, c'est un boufrad. C'est une femme. Mar-Atou. Ça, c'est une femme. Ça, Imra. Donc ça fait une femme, donc le diable de Imra, c'est Nissa, des femmes. Tu comprends pourquoi hier on était un peu... Comment on dit des femmes en arabe? Est-ce que ça existe Mar'atun? Ça c'est un moufrad, non, ça existe. Aïe, ouais. Et le pluriel, Imra'atun. Là. Imra'atun, ça veut dire quoi? Lequel, tu penses lequel là? Non, tu dis la même chose quand tu dis Imra'atun et Imra'atun, c'est la même chose. Imra'atun et Mar'atun. Toi tu veux dire Imra'atun. Toi tu veux dire un calife, Imra'atun. Non, lui il veut dire Mar'atun et Imra'atun. Là. Imra, avec un kasra, c'est quoi tu as fait l'alif ou l'lem? Tu dis Imra'atun. Et tu mets les femmes, tu dis Al-Mar'atou. Comme quoi? Quand tu mets les femmes. J'ai pris Mar'atun. Là, Mar'atun. Ça n'existe pas. Ça fait Imra'atun. Et si tu mets Alif ou Lem, tu dis Al-Mar'atou. Ah non. T'as dû oublier le Alif ou Lem. Mar'atun. Non, Mar'atun, ça tout seul, y'a pas. Ça n'existe pas. Si j'ai fait, je ne connais pas. Nous, on parle là, fond, là, on parle de quoi? Du pluriel, Jam. Le Jam de Imra. Tu vois? Bah, cherche dans le dictionnaire. Regarde, toi tu dis quoi là, Mar'a? Non, parce que là ça me paraît pluriel, là c'est singulier celui-là. Singulier, non. Tous là c'est singulier, on demande le djam. Et le djam de Imra, c'est Nissa. D'accord. Okay. Et Amma. Amma, c'est. Non. Daïf. Ah, Amma, déjà c'est quoi? Là c'est ton nom, ça. Amma, c'est la faute personnelle. Non. Amma. Daïf. Amma, hein? Oui. Tu l'as dit là, Non. Mustiwal, Kibar. Darif. Tu peux dire Douafa, non. Non, c'est pas venu dans le temps. Mais dans le livre, il dit quoi, Diaz? Mais Douafa, c'est rien. Wazir. Oui, Wizara. Et c'est quoi Wazir? Wizara. C'est quoi Wazir? Ministre. Ismoud. Asma. Asma, oui, non. Là, il vous donne des Ikra ou Aktoum. Il vous donne des exemples de pluriel et vous allez constater que tous ces pluriels-là, ils ont quoi commun? Ils ne prennent pas de tanouin. Azika ou Arnia ou Akouya ou Atibba ou Fukara ou Zubala ou Wuzara ou Walama ou. C'est Minal Kouwa. Kawi. De Kawi, non. Kawi. Et Atibba ou c'est Talib? Non, c'est Tabib. Hein? Tabib. On les a tous pris. Ouais, on les a tous pris. On les connaît tous, hein. On a aussi, c'est... On prend pas de tanouin. Non. Et on a ma... Alim. Alim. Non. Alim, c'est Moufata. Non. Voyez. Et le pourquoi viendra à la fin du livre. Sachez que tout ce qui est à cette apparence-là, il prend pas de tanouin. Voyez. Pas de tanouin. Non, je dis pas, je dis quoi, un. Oui, maintenant il finit le Khulasa de Yasmin Shara. Akouya, on a dit c'est quoi? Kawi. Non. Arnia, c'est Rani. Zumala, Jamil. Azdika, Sadir. Fukara, Fakir. Donc attends, Azdika, ça veut dire Ali. Arnia, c'est quoi? Rani. Rani, on l'a pris juste avant là. C'est le diable de Rani. Riche. Ah bah oui, ouf, vous écrivez beaucoup les mots à la maison. Ouais. Le vocabulaire, faut l'apprendre. Tu vois, faut l'apprendre. Voilà. Et enfin, vous l'employez. Et il reste avec vous. Parce que là, je peux le dire 10 fois dans le def, tu vas l'oublier. Tu vois. Mais toi, à la maison, tu prends les mots, ça c'est un chef personnel, tu viens. Le texte, tu recopies plusieurs fois, le mot, tu recopies plusieurs fois. Tu vois. Af, Aïla, ou Efa'ala, c'est quoi? Ça, c'est un autre def, on rentre pas dedans. Mais tu vois, on rentre pas dedans. On évite l'ami. C'est pas que tu vois, tu te rappelles pas la dernière fois on évite l'ami. Que je te l'avais demandé. Ouais, mais bah, on évite l'ami. Ouais. Ah bah. Il t'a mis une feuille qui est là, qui est pas dans le pour l'instant. Ça y est, on termine. Il dit Asma Ishara al-Ba'id. Là, il y a en fait avec le Khurasa, un capitulatif de tous les Asma Ishara qu'on a appris depuis le début du Dars. le kitab. Le Muzakkar. Le Mufrad. Zalika. Ça c'est pour le Baïd. Moi je l'ai pas moi. Bah écoute. Là il est bien, il est où ? Le Jam. Oulaïka Tullaïboud. Vous voyez, Oulaïka c'est le Jam. Ah ça c'est. Ça c'est pour le Muzakkar. Le Mouannaf. Tilka Talibatoun. C'est écrit devant. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est ça qui peut. Il y a un topo de ce qu'on a pris. Tilka Talibatoun. Tilka c'est Mouannaf. Oulaïka Talibatoun. Donc on voit que Oulaïka il est mixte. Vous voyez. Après, il y a les exemples de Ma'ir qui sont Moutarsila au Fial, qu'on a pris. Mohamed Zahaba. Il est où le Fa'il? Mohamed. Le Fa'il, c'est Zahaba. Le, non, c'est Fa'il. Le Fa'il, c'est Zahaba, c'est le bas. Non, mais non. Non. Là, tu lui avais un coup de bâton là. Mohamed. Là. Zahaba. Ah, Zahaba. Le fait, ah, ouais, Moutafir. Ouais. Là, ce que tu as dit là, là, c'est un coup de bâton là. Ouais, non. Le bas. Le bas, c'est le diverbe. Ah oui, là, là ta langue elle a dérapé, comme on dit. Ça, Inch'Allah. Tu la recommenceras pas deux fois celle-là, je pense. Après, il dit Mohamedoun, wa Hamidoun, wa Aliyoun, Zahabou. Et le fait, comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Comment on l'appelle? C'est quoi son nom? Waoul Jamaa. Ah oui, vous voyez? Waoul Jamaa. Et ça a fait Aïl. J'étais pas là la conversation. Je ne m'en rappelle pas. Mariam Zahabat. Zahabat Tatnis. Tatnis. Aïwa. Et le truc. Et le Fa'il? Le Fa'il. Sakina. Et le Fa'il, il est où? Le Fa'il, il est Moussa. Aïwa. Iya. Et on a pris? Mariamou, wa Aminatou, wa Fatimatou, Zahabna. Le Noun, si on l'a vu, c'était pas là, c'était hier. C'est pas le Na. Noun. Le Noun quoi? Noun. Comment il s'appelle? Noun. Noun Esh. Moutakal, ah, le Na, c'est Damir Moutakal. Pas du tout. C'est Damir Moutassil. Oui, c'est quoi son nom? Le Noun. Noun Niwa. C'est pas loin. Noun Niwa. Noun Niswa. Niswa. Ou Noun El Ninef. Noun Niswa. Ou Noun El Ines. C'est un Damir. Il est Fa'il. C'est pas. C'est comme Zahabna. C'est bizarre, Zahabna. C'est pas ça, ça dit. C'est pas Damir Moutakal. Ounna. Non, c'est Zahabna avec Ahmed. Fais attention quand tu prononces ton son. On le voit. Ou Alexandre. Dans ta phrase, on voit que tu parles de femme. Mais c'est pas Damir Moutakal. C'est le Moutakal, mais c'est pas son nom. C'est pas Moutakal. Moutakalim. Là, Moutakalim, c'est Anna. Ouais, Anna. Là, c'est Mariam, wa Amina, wa Fatima, Zahabna. T'es Mariam, toi? Non. T'es Fatima? Non. T'es Amina? Non. Donc c'est Hunna? Oui. Zahabna. Elles sont parties. Ah. Et l'autre c'est Nahnu. Zahabna. Nahnu. Donc, on l'a pas pris encore celui-là. Zahabna c'est Damir Moutassin. Et. De quoi? Et. Fa'il. Ouais, Fa'il, mais c'est tout. Son nom c'est Nouni Niswa. Non, Nouni Niswa, je sais, mais. Mais là il y a rien de plus. Là, Mariamou Zahabat. Là, le fi'l, c'est Zahaba. Mariamou Zahabat. Ouais. Non. Et le fa'il, c'est ta. Là. Non, le fa'il, il est Moutadir. Moutadir. D'accord, parce que là, c'est du féminin. Non. Et Mariamou, il est quoi? Mariamou, il est Moutada. C'est une jumelle, c'est une smiya. Ah, les pas Kaliya. C'est quand il commence par le fa'il. Ouais, dès qu'il y a un mot, c'est un nom qui commence par une femme, c'est ismiya. Vous voyez? Jumla ismiya. Maintenant, pour le vocabulaire. Daif, Jam, Diaf, ou Douafa. Le féminin c'est Daifatun. C'est la mère. Le Jam, Ummahatun. Koui, c'est-à-dire fort. Le Jam, Akwiaou. Ab, le père. Jam, Abaoun. Alim, c'est savant. Le Jam, Olamaou. Vous voyez? Ma faute? La folium? مفهوم؟ طيب طيب لا هنا والحمد لله رب العالمين